بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في سورة الذاريات في المسألة 71 بعد المئة 171 مسألة. في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ على بعض الفصول ولا يدي Est-ce que tu as eu l'histoire de l'invité d'Ibrahim qui était les derniers? En français, on va dire que Daif, c'est l'invité au singulier, et Mukramin, c'est un acte, un qualificatif qui est au pluriel. C'est-à-dire les invités d'Ibrahim honorés, honorables. Les honorables invités d'Ibrahim. On ne pourra pas traduire différemment. فقال المؤلف رحمه الله تعالى لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر لأن النعت صيغته جمع والمنعوت لفظ مفرد. Donc là, qu'est-ce qui apparaît en fait, c'est lorsqu'on lit en arabe, c'est que tout simplement le na'at, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif, la qualificatif, il est venu au pluriel, alors que la chose qualifiée, elle est venue au singulier. Donc là, c'est une chose normalement qui s'oppose aux règles de langue arabe, car le na'at, il suit le man'out dans toute situation, en genre, en nombre, et dans son i'rab. Et s'il est défini, et s'il est défini, ainsi de suite. Donc là, on a un man'out qui est singulier, on a un na'at qui est pluriel. Qala, donc ça c'est Masala al-Rawiya. Elle n'apparaît pas en français. Qala al-Jawabu anna al-Lawza al-Dhaif tutlaq ala al-Wahid wal-Jam liyanna aslaha مصدر ضاف فنقلت من المصدرية إلى الإسمية كما تقدم في سورة البقرة. Donc la réponse tout simplement c'est que le mot ضيف, qu'on traduit par invité, est un mot qui s'applique sur un singulier tout comme sur un pluriel en fait. Car son origine c'est que c'est un masdar du verbe ضاف يضيف. ضاف يضيف. Donc c'est un masdar. Et de là, du masdar, il est devenu un ism, un nom à part. Car le masdar, à la base, c'est le nom qui définit l'action sans être lié au temps. C'est ça le masdar. Et là, il est devenu un ism commun, un nom commun. Comme dans Sourate al-Baqarah, la masala a été citée. Que lorsqu'un nom est tiré d'un masdar, il a un sens de pluriel et de singulier en même temps. « Azaw »« Falayishkel fil mas'ala » والحمد لله رب العالمين